fait beau en plus. Ouais. Ouais. Ah, je me sens pas bien en vrai. Qu'est-ce que t'as là ? Ah ben j'ai la tête qui tourne. Oui ? Ouais, ouais. T'es pas bien. Voilà. Comment tu te sens ? Ben j'ai chaud. T'as chaud ? Il faut mettre au repos toute personne qui décrit une sensation soudaine et pénible de malaise nécessitant l'arrêt de ses activités. Il faut observer et noter les signes présents comme une pâleur, des sueurs au niveau du visage, une modification de son aspect, des tremblements inhabituels au niveau des membres. Non, non, non, non, non, pas du tout. Et ça t'est déjà arrivé, ça ? Écoute, ce matin, là, mais c'est passé, donc voilà, quoi. Ouais. Là, pouf, ça fait... D'accord. Ça me fait drôle, ouais. Il faut également demander à la personne ce qu'elle ressent. Par exemple, une douleur au niveau de la tête, de la poitrine, de l'abdomen, des difficultés à respirer ou à parler, d'autres troubles visuels, de la marche ou des mouvements. Toutes ces informations sont indispensables au médecin pour prendre des décisions adaptées. Il faut poser des questions à la victime, prendre le temps d'écouter ses réponses pour compléter les informations qui seront transmises. Conseiller à la victime de ne pas faire d'efforts pendant l'appel au centre 15 pour avis médical et ou déclencher des secours. Il faut transmettre la totalité des informations recueillies au centre 15 et rester auprès de la victime. Lorsque c'est possible, le médecin régulateur demande à parler à la victime. Le sauveteur doit appliquer les consignes données par le médecin régulateur du centre 15. Il ne faut pas hésiter à rappeler le centre 15 pour signaler toute modification de l'état de la victime du malaise. Les symptômes et signes de malaise sont très variés. Il peut s'agir de l'expression d'une douleur dans la poitrine ou le ventre, de la constatation de signes visibles comme une paralysie d'un ou plusieurs membres, une déformation du visage, une pâleur, des sueurs. Après avoir proposé à la personne de se mettre dans la position où elle se sent le mieux, il faut lui demander si elle a des problèmes de santé comme une maladie cardiaque, un diabète, de l'asthme, pour transmettre ces informations au secours.